Chapitre 25. L'orange. Ophélie contemplait sa tartine de beurre sans appétit. Autour d'elle, l'office des domestiques bourdonnait de commérages et de ricanements. Elle avait l'impression que le moindre cliquetis de tasse se répercutait contre les parois de son crâne. Depuis son retour de l'intendance, voilà plusieurs jours, elle n'arrivait plus à trouver le sommeil. Ce n'était pourtant pas faute de s'épuiser au travail. En plus des corvées habituelles, Mime servait désormais de tourneur de page. Bérénilde avait fini par accepter d'interpréter Isolde pour l'opéra du printemps et elle ne manquait pas une seule répétition au salon de musique. « Je vais être plus exigeante avec vous que jamais », avait-elle déclaré à Ophélie après avoir appris la disparition des lettres. « Personne ici ne doit se douter que vous puissiez être autre chose pour moi qu'un valet. » Au fond, Ophélie s'en moquait. Elle n'avait qu'un seul souhait, se sortir Thorne de la tête. Il avait eu le mauvais goût de transformer une conventionnelle affaire de mariage en historiette sentimentale et elle ne le lui pardonnait pas. À ses yeux, il venait de rompre un pacte tacite. Des rapports cordiaux et dépassionnés, c'était tout ce à quoi elle aspirait. À cause de lui, il planait entre eux un inconfort qui n'existait pas avant. Alors qu'Ophélie essayait d'avaler son café, une claque dans son dos lui fit en répandre la moitié sur la table. Renard s'installa à califourchon sur le banc et lui mit sa montre sous le nez, bousculant un confrère au passage. « Presse-toi un peu, fiston. La cérémonie funèbre va commencer. » Madame Frida, une vieille cousine d'Archibald, avait été foudroyée par une crise cardiaque au dernier bal du clair de lune, après une danse trop endiablée. Ce matin, on l'inhumait dans le caveau familial. Comme Ophélie faisait signe à Renard de partir devant, il lui loucha dessus en fronçant ses énormes sourcils rouges. « Qu'est-ce qui te prend, à la fin ? Tu dis plus jamais rien. Oui, bon, t'as jamais été causant. Mais avant, tu me parlais avec les yeux, avec les mains, avec des gribouillis, et on se comprenait. Là, j'ai l'impression de postillonner tout seul contre un mur. Je commence à me faire du mouron, moi. » Ophélie considéra Renard avec étonnement. Il s'inquiétait pour elle. Elle sursauta quand un panier d'oranges atterrit en plein sur sa tartine de beurre. « Tu peux livrer ça pour moi ?» C'était Gaëlle, la mécanicienne au monocle noir. Fidèle à elle-même, elle nageait dans une blouse pleine de suie et dissimulait son visage derrière un nuage de cheveux sombres. « Tonnerre !» jura Renard. « D'où sors-tu ces oranges ?» Les oranges, comme tous les fruits exotiques, ne se voyaient jamais que sur la table des nobles. Archibald disposait d'un verger privé sur la lointaine arche d'Arcanterre. Ophélie savait qu'une rose des vents permettait d'y accéder, enjambant des milliers de kilomètres sans aucun respect des lois élémentaires de la géographie, mais seul le régisseur en possédait la clé. « Que je sache, l'orangerie d'Arcanterre appartient aussi à la mairie de Garde, » dit Gaëlle d'une voix grinçante. « C'est chez elle, après tout !»« C'est bien ce que je pensais, » soupira Renard en grattant ses favoris. « Tu t'es servi dans le garde-manger de monsieur. Hors de question que je touche à tes fruits volés. Demande-moi tout ce que tu veux, sauf ça. »« Je ne te demande rien. C'est au nouveau que je m'adresse. » Gaël fit rouler son œil unique sur Ophélie, un œil si bleu, si vif, si éclatant que les boucles noires qui lui pleuvaient dessus ne parvenaient pas à l'ombrager. « Livre ça à ma patronne, tu veux ?» Elle sera à l'enterrement de la vieille. Et je sais que tu dois t'y rendre aussi. Je te promets qu'on ne te fera pas d'histoire. Pourquoi lui ? Grommela Renard, renfrogné. Pourquoi pas toi, par exemple ? Ophélie se posait la même question, mais l'idée de rencontrer enfin la mère Hildegarde ne lui déplaisait pas. C'était une étrangère comme elle, et pourtant, elle avait réussi à se rendre indispensable auprès de tous les grands de ce monde. L'élévation de la citacielle dans les airs, les couloirs aériens pour les traîneaux à chiens, les distorsions de l'espace, les chambres fortes, la conception des sabliers, il n'y avait pas un lieu ici qui ne portât pas sa marque de fabrique. Son coup de génie, c'était d'avoir combiné son pouvoir sur l'espace avec les illusions des mirages. Ophélie avait beaucoup à apprendre d'elle. Elle se raidit lorsque Gaëlle se pencha sur la table jusqu'à se coller nez à nez avec le visage de Mime. Elle parla si bas qu'Ophélie l'entendit à peine au milieu du brouhaha ambiant. « Pourquoi toi, hein ? Parce que Je n'ai pas cessé de t'observer depuis ton arrivée ici. Tu ne te sens pas à ta place, et tu as bien raison. Sais-tu pourquoi ma patronne s'appelle la mère et non pas la duchesse ou la comtesse? Parce qu'elle n'est pas des leurs. Elle est la maman des gens comme toi et moi. Apporte-lui ses oranges. Elle comprendra. Sous le regard éberlué d'Ophélie, Gaël s'enfuit de sa démarche de garçon manqué, main aux poches. Pas à sa place. Qu'entendait-elle par là? Eh ben, moi, j'ai rien compris, déclara Renard en peignant sa tignasse de feu. Je la connais depuis qu'elle est toute jeunette, cette femme-là. Mais je crois que je ne la comprendrai jamais. Il poussa un souvenir rêveur, presque admiratif, puis il agita sa montre devant Ophélie. On est de moins en moins en avance. Décolle tes fesses de ce banc. La cérémonie funèbre de feu, Madame Frida, se tenait à la chapelle du clair de lune, tout au fond du domaine, au-delà de la forêt de sapins, au-delà du bassin de l'assiette d'argent. Dès qu'elle y posa le pied, à la suite d'une procession de nobles vêtus en noir, Ophélie sentit un changement d'ambiance. Vu de l'extérieur, la chapelle évoquait un châtelet en ruine, sans prétention, qui conférait une petite touche romantique au jardin. Passé la grande porte, on pénétrait dans un monde obscur et inquiétant. Le pavement de marbre répercutait chaque pas, chaque chuchotis jusqu'à la voûte. D'imposants vitraux étaient battus par une fausse pluie et illuminés par de faux éclairs. Chaque fulgurance laissait apercevoir brièvement les motifs du verre entre les baguettes de plomb. Un loup enchaîné, un serpent d'eau, un marteau frappé par la foudre, un cheval à huit pattes, un visage mi-ombre, mi-lumière. Son panier d'oranges sous le bras, Ophélie promena un regard inquiet à travers la chapelle emplie de beau monde. Comment allait-elle reconnaître la mère Hildegarde? « Clé, je vous prie !» l'interpella un gendarme, posté à l'entrée. Ophélie tira sur sa chaîne et lui présenta sa clé. À son grand étonnement, il lui remit alors un parapluie noir. Il pesait si lourd qu'elle en eut le souffle coupé. Le gendarme en distribuait à tous les valets qu'il contrôlait. Il le brandissait ensuite au-dessus de la tête de leur maître, comme pour le protéger d'une pluie invisible. Cette mise en scène faisait donc partie de la cérémonie funèbre. Ophélie plaignait la famille. Ça ne devait pas être facile de faire son deuil avec une théâtralisation aussi ridicule. Ophélie repéra Bérénilde et sa mère. La tante Roseline n'était pas avec elle. Seuls les valets étaient autorisés à assister à l'enterrement. « Pourquoi ces oranges ?» demanda Bérénilde insolemment belle dans sa robe de deuil. « Ai-je réclamé quoi que ce soit ?» Ophélie s'efforça de lui expliquer à grand renfort de gestes qu'elle devait les livrer à quelqu'un dans la foule. « Nous n'avons pas le temps, » trancha Bérénilde. « La cérémonie va commencer. Qu'attends-tu pour ouvrir ton parapluie ?» Ophélie s'empressa d'obéir, mais des pendeloques de cristal étaient fixés à chaque baleine du parapluie. Voilà qui expliquait son poids. Encombrée du panier de Gaël, Ophélie aurait tout fait tomber par terre si la grand-mère de Thorne n'était une fois encore venue à son secours. Elle la soulagea de ses oranges au profond agacement de Bérénilde. « Vous êtes trop bonne avec ce garçon, maman. » La grand-mère dut comprendre l'avertissement à demi-mot car son visage ridé se fissura d'un sourire contrit. « Je suis surtout trop gourmande, ma fille. » Je raffole des oranges. Ne touchez pas à celles-là. On ne sait pas où elles ont traîné. Dépêchons-nous, enchaîna Bérénilde en prenant le bras de sa mère. J'aimerais être assise près de l'autel d'Odin. Hissant son parapluie le plus haut possible pour compenser sa petite taille, Ophélie leur emboîta le pas. Tant pis, la mère Hildegarde attendrait. Elle se faufila comme elle put entre les autres parapluies, étrange forêt de champignons noirs, jusqu'à atteindre les bancs réservés aux proches de la défunte. Reconnaissable à son haute forme éventrée, Archibald était avachi au premier rang. Ophélie ne l'avait jamais vu aussi sérieux. Était-il donc affecté par la mort de la vieille Madame Frida? Rien que pour cela, il regagnait une place dans son estime. L'ambassadeur était entouré de ses sœurs et d'une quantité impressionnante de tantes et de cousines. C'était la première fois qu'Ophélie voyait la toile au grand complet, parce que les membres du clan ne vivaient pas tous au clair de lune. La prédominance des femmes dans cette famille était notable. Elle repéra Renard, qui se tenait debout derrière la troisième rangée de bancs, déployant son parapluie par-dessus Dame Clotilde. La grand-mère d'Archibald était un peu dure d'oreille. Elle tendait son cornet acoustique en direction de l'harmonium, sourcils froncés, avec une attitude de critique musicale, alors qu'il n'y avait encore personne au clavier. Ophélie se positionna avec son parapluie derrière Bérénilde et sa mère, une rangée plus loin. Au fond de la chapelle, bien visible de tous, le cercueil avait été installé au pied d'une grande statue représentant un géant assis sur un trône. Ophélie le contempla avec curiosité. C'était donc cela, l'autel d'Odin. Tenant son parapluie à deux mains pour ne pas faire trembler les pendeloques, elle jeta un coup d'œil curieux au mur de la nef. Entre les vitraux, d'autres statues de pierre aux yeux écarquillés et aux traits sévères soutenaient la voûte à bout de bras. Les dieux oubliés. Cette chapelle était une reproduction des églises de l'Ancien Monde, du temps où les hommes croyaient être gouvernés par des forces toutes puissantes. Ophélie n'en avait jamais vu ailleurs que dans de vieilles gravures de livres. Sur Anima, les baptêmes, les mariages et les obsèques se célébraient tous au familistère, en toute simplicité. Les gens d'ici avaient vraiment le sens du décorum. Les murmures qui bruissaient sur les bancs s'éteignirent. Les gendarmes, alignés en haie d'honneur le long des murs, se mirent au garde-à-vous. La musique solennelle de l'harmonium s'éleva dans toute la chapelle. Le maître de cérémonie venait de faire son apparition sur l'autel d'Odin. C'était un vieil homme en perruqué, visiblement bouleversé, avec la marque de la toile sur le front. Ophélie reconnut le veuf de Madame Frida. « Un fil s'est brisé, » déclara-t-il d'une voix chevrotante. Il se tut et ferma les yeux. Ému, Ophélie crut un instant qu'il n'arrivait pas à trouver ses mots, mais elle se rendit compte que tous les membres de la toile s'étaient recueillis. Le silence se prolongea, seulement perturbé par une toux ici, un bâillement là, parmi les bancs des invités. Ophélie avait de plus en plus de mal à tenir son parapluie droit. Elle espérait que son panier d'orange n'était pas trop lourd pour la grand-mère de Thorne. Elle l'avait installé sur ses genoux et se cramponnait à l'anse pour ne pas le renverser sur le dallage. Quand Ophélie vit toutes les sœurs d'Archibald se moucher, saisie par la même émotion, elle comprit que la famille ne se recueillait pas. La cérémonie se poursuivait bel et bien, mais sans les paroles. La toile n'en avait pas besoin, ils étaient tous reliés les uns aux autres. Ce que l'un ressentait, chacun le ressentait. Ophélie posa de nouveau son regard sur Archibald au premier rang, dont elle devinait tout juste le profil. Aucun sourire provocateur n'éclairait plus son visage. Il avait même peigné ses cheveux et rasé ses joues pour la circonstance. Cette famille était unie par un lien dont ni Ophélie ni aucun clan du pôle n'avait la plus petite idée. Un mort, ce n'était pas seulement la perte d'un être cher, c'était une part entière de soi qui disparaissait dans le néant. Ophélie se sentit honteuse d'être entrée dans cette chapelle sans une seule pensée pour la femme qui reposait au fond du cercueil. Oublier les morts, c'était comme les tuer une seconde fois. Elle se concentra sur l'unique souvenir qu'elle avait de Madame Frida, celui d'une vieille dame qui dansait un peu trop vite, puis elle s'y raccrocha de toutes ses forces. C'était la seule chose qu'elle pouvait faire pour eux. Le parapluie parut moins lourd à Ophélie, le temps moins long. Elle fut presque prise au dépourvu lorsque le veuf remercia l'assemblée et que tout le monde se leva. Chaque valet referma son parapluie et suspendit le manche recourbé au dossier d'un banc. La secousse de toutes ses pendeloques évoquait une pluie de cristal. Ophélie les imita et remercia d'une inclination de tête la grand-mère de Thorne qui lui rendait son panier. Elle profita de ce que Bérénilde fut occupée à adresser ses condoléances à la famille d'Archibald pour se mettre en quête d'Hildegarde. Elle devait la trouver tant que la chapelle ne s'était pas encore vidée. « Ban du fond !» lui souffla Renard à l'oreille. « Ne t'attarde pas trop en sa compagnie, fieu. Elle n'a pas une excellente réputation. » Dès qu'Ophélie aperçut une vieille femme assise à la dernière rangée de bancs, elle sut, sans la moindre hésitation, qu'elle avait affaire à la mère Hildegarde. C'était une antiquité parfaitement hideuse. D'épais cheveux poivre, une peau bistre, une robe à pois de mauvais goût, un cigare planté dans un sourire goguenard, elle détonnait au milieu des nobles pâles qui l'environnaient. Elle promenait autour d'elle ses petits yeux noirs, enfoncés comme des billes dans son gros visage, pour examiner tout ce beau monde avec une sorte d'ironie impertinente. La mère Hildegarde paraissait prendre un plaisir souverain à voir les gens se détourner dès qu'ils croisaient son regard, puis à les interpeller par leur nom, d'une voix gutturale. « Êtes-vous satisfait de votre nouveau raccourci, monsieur Ulrich ?» L'intéressé pinça un sourire poli et s'éloigna d'un pas pressé. « Je n'oublie pas votre pavillon, madame Astrid !» promit-elle à une dame qui se dissimulait vainement derrière un éventail. Ophélie observa la scène avec une irrésistible sympathie. Tous ces gens faisaient appel au service de l'architecte, mais ils avaient honte de s'afficher avec elle. Et plus ils lui faisaient sentir qu'elle était indésirable, plus elle se comportait en maîtresse des lieux. Alors qu'elle n'en finissait plus d'apostropher les nobles, les gendarmes hésitaient à intervenir, mais Archibald leur fit signe de ne pas s'en mêler. Il traversa la chapelle d'un pas tranquille et se pencha par-dessus le dernier banc, son vieux gibus appuyé contre la poitrine. « Madame, vous perturbez notre deuil. Pourriez-vous vous tenir sage ?» La mère Hildegarde grigna un sourire de sorcière. « Comment pourrais-je te refuser une faveur, Augustin ?»« Archibald, madame, Archibald !» La mère Hildegarde ricana en regardant l'ambassadeur s'éloigner, mais elle tint parole et ne fit plus fuir les invités. Ophélie estima que c'était le moment idéal pour livrer ses oranges. « Qu'est-ce qu'il veut, le nabo ?» lui demanda Hildegarde en tirant une ample bouffée de son cigare. Ophélie posa son panier à côté d'elle sur le banc et, dans le doute, lui fit un salut. La mère Hildegarde n'était peut-être pas noble, ses manières manquaient sans doute de subtilité, elle n'en méritait pas moins un minimum d'égard. « Elle est la maman des gens comme toi et moi », avait dit Gaël. C'était idiot, mais Ophélie se sentait soudain pleine d'attente. Elle ne comprenait pas pourquoi elle avait été choisie pour cette étrange livraison, mais elle se rendait compte qu'elle en espérait un petit miracle. Un mot, un regard, un encouragement, n'importe quoi qui lui permettrait de se sentir enfin chez elle, ici. Les paroles de Gaël l'avaient plus ébranlée qu'elle n'avait cru. La mère Hildegarde s'empara lentement d'une orange. Ses petits yeux noirs allèrent du fruit à Ophélie et d'Ophélie au fruit avec une vivacité surprenante pour son âge. « C'est ma petite brunette qui t'envoie !» Elle parlait fort de la gorge, mais Ophélie n'aurait su dire si c'était dû à son accent étranger ou à l'abus des cigares. « T'as perdu ta langue, nabo. C'est quoi ton nom? Qui est-ce que tu sers ?» Ophélie posa une main impuissante sur sa bouche, sincèrement navrée de ne pas pouvoir lui répondre. La mère Hildegarde s'amusa à faire rouler l'orange dans sa grosse main fripée. Elle détailla Mime de haut en bas avec une curiosité sarcastique, puis elle lui fit signe d'approcher pour lui murmurer quelque chose à l'oreille. « Tu as l'air si insignifiant que ça t'en rendrait presque spécial. Toi aussi, tu as des petites affaires à cacher, mon bonhomme. » Marché conclu. À sa stupéfaction, la mère glissa trois sabliers bleus dans sa poche de livrée et la congédia d'une claque sur les fesses. Ophélie n'avait absolument rien compris à ce qui venait de se passer. Elle ne s'était pas remise de son étonnement que Renard l'attrapa par le bras et la retourna comme une girouette. « J'ai tout vu !» siffla-t-il entre ses dents. « Trois bleus pour un panier d'orange, tu le savais, hein ?» Tu voulais te garder ton paradis pour toi tout seul, faux frère. » Il était méconnaissable. L'avidité et la rancœur avaient avalé toute trace de bonhomie dans ses grands yeux verts. Ophélie en éprouva une peine indicible. Elle secoua la tête pour lui signifier que non, elle ne savait pas, elle ne comprenait pas, elle ne voulait même pas de ses sabliers, mais un hurlement détourna leur attention. « À l'assassin !» Autour d'eux, c'était le chaos. Les nobles dames quittaient les lieux en poussant des cris paniqués, tandis que les hommes interdits formaient un cercle autour du dernier banc de la chapelle. La mère Hildegarde était toute raide dans sa robe à pois, les yeux figés dans les orbites, pâle comme un cadavre. L'orange qu'elle tenait un instant plus tôt avait roulé sur les dalles. Sa main était toute noire et gonflée. « C'est lui !» s'exclama quelqu'un en désignant Ophélie. « Il a empoisonné l'architecte !» Ce fut alors une explosion d'écho à travers toute la chapelle. Empoisonneur! Empoisonneur! Empoisonneur! Ophélie avait l'impression d'être tombée au fond d'un cauchemar. Alors qu'elle tournait sur elle-même, dénoncée par des dizaines de doigts, elle saisit à la volée de loin en loin le visage décomposé de Renard, le visage catastrophé de Bérénilde, le visage intrigué d'Archibald. Elle bouscula les gendarmes qui essayèrent de s'emparer d'elle, se déganta à la hâte, courut vers le panier d'orange et toucha son anse du bout de la main. Un geste risqué, mais c'était peut-être sa seule chance de savoir. Elle lut, alors, entre deux battements de cils, l'accablante vérité. L'instant d'après, Ophélie ne vit plus qu'une avalanche de gourdins.